声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合，当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家，包容导盲犬，关爱盲人。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏古诺根据莎士比亚的戏剧改编创作的歌剧《罗密欧与朱丽叶》的全剧录音，由克莱里·弗雷尼演唱，阿莱·隆巴指挥巴黎歌剧院演出。 Se parle

à travers l'espace, à travers la nuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit. Sa mame vient de ma bout de notre sous ce toit qui le poil de l'autre je me sens attristé du noir pressativement sa tristesse je le devine elle ne point trouver ici ta rosaline sans doute dans le mal te feront oublier ton fort amour d'écolier. Ah, voyez, est-ce donc cette beauté céleste qui semble rayonner Oh,

Oh, Thank you. que parlez-vous donc? La page de Montaigu, pétrifiée en passant la Bressaille, en vocifiant l'outrage au seigneur Capulet. Vous moquez-vous? Non, sur ma tête. Un des Montaigu s'est permis de venir avec ses amis à notre fête. Oh, et pour toi. Non, non, non, on ne t'appelle pas. Oh, sa meite fille. Elle transporte vers moi te conduit, et l'amour ressuscite à mer. Cor la digna Rosaline che non pronunciò gene le cole fa e il desolì s'ovrirà la clarte divine se suviantia

Thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。